d'Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le secrétaire général du CNDD, FDD, avoue la responsabilité des militants de ce parti dans la perturbation des activités de développement. Révérien Dikourio a tenu une conférence de presse ce vendredi en province Makamba. L'ancien président de l'Assemblée nationale et membre du parti Sawanya Frodebou, Léonce Ngendakoumana, trouve que le chef de l'État devrait nommer un premier ministre qui n'est pas de la mouvance présidentielle pour réussir le pari de la lutte contre la corruption. Et dans son journal, on vous propose aussi l'analyse d'un homme de droit sur le rejet de la CENI, le rejet par la CENI de certaines candidatures législatives pour non-conformité à certaines dispositions du code électoral. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le parti CNL se dit étonné que la CENI ait rejeté les listes qu'ils ont présentées pour leur candidature aux élections législatives de 2025. Au moment où la CENI avance que le CNL n'a pas respecté tout ce qui a un rapport avec l'équilibre ethnique et genre, le porte-parole de cette formation politique, l'ONI, Terence Manerambona, indique qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle et qu'ils attendent d'être rétablis dans leurs droits. Suivez-le. Nous avons appris que la CENI a rejeté nos listes pour les candidats aux législatives de juin 2025 pour motif que l'article 108 du code électoral relatif à ce que la liste soit multiethnique ou tous les gens soient représentés. Nous avons reçu cette notification de la part de la CENI, mais je vous informerai que les listes du parti CNL de ces candidats comportaient des candidats de différentes ethnies et même de genres différents. Nous pensons que ce qui a été décidé par la CENI, c'est une décision, c'est une analyse. Mais le même code électoral prévoit que s'il y a une partie qui est lésée par rapport à la décision de la CENI, on fait recours à la Cour constitutionnelle. Ce qui a été fait hier, nous avons déposé le recours auprès de la Cour et nous attendons la décision de cette Cour constitutionnelle. Et nous espérons que quand même, deuxième force politique, dans le pays, ne peut pas manquer dans la course électorale. Ça serait vraiment consacré, je dirais, ou bien consacré à ce que les partis les plus représentatifs ne participent pas aux élections, ce qui ne serait pas bon pour un pays qui soit démocratique. Terence Manerambona, porte-parole du parti CNL. La Commission électorale nationale indépendante dit n'avoir pas violé la loi en rejetant les dossiers des candidats députés appartenant à la coalition Burundi Bwabose. Dans une conférence de presse vendredi, le président de la CENI a expliqué que ces dossiers ont été rejetés car comportant des noms de députés du parti CNL. CNL, siégeant toujours à l'Assemblée nationale, Prosper Naourouamié demande cependant aux candidats lésés de saisir la Cour constitutionnelle. On fait le point avec Evariste Nzikobanya. Au cours de son point de presse relatif aux résultats du déroulement et de l'analyse des dossiers pour les candidats députés et conseillers communaux, le commissaire Prosper Naourouamié, président de la CENI, a précisé qu'il y a des listes qui ont été rejetées, c'est entre autres celles ne remplissant pas les conditions, et d'autres qui ne se sont pas conformées à la loi, les deuxièmes étant celles de la coalition Burundi Bwabose qui porte le nom des députés CNL, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. L'honorable Agathon Gwasa a perdu la présidence. Il n'est plus à la tête du parti CNL. Première observation, Gwasa a perdu la direction, le leadership du parti CNL, mais il n'a pas perdu la qualité de membre de ce parti. Et pour preuve, il siège encore à l'Assemblée nationale au nom de ce parti. Il en est de même des gens de ce parti qui se trouvent presque dans les mêmes conditions. Mais je fais un commentaire particulier pour le cas de Gwasa Agathon, puisqu'il était président de ce parti. C'est-à-dire que ces gens devraient être soit sur la liste ou provenir de leur nouveau parti, si je puisse l'appeler ainsi, soit Frodebou, soit Kodebou, soit CNDD, soit Fede Sangira, comme leur nouveau parti politique. Mais qu'à cela ne tienne, ils pouvaient aussi venir comme de simples militants. À la question des journalistes de savoir si les listes n'ont pas été injustement rejetées, le commissaire Naourouamié explique qu'aucune loi n'a été violée. Il y a les candidats du parti CNL qui se trouvent dans cette coalition, alors que le parti CNL n'est pas membre de la coalition. La loi sur les partis politiques n'autorise pas que quelqu'un puisse être membre à la fois de deux partis politiques. Or, nous n'avons pas eu de preuves matérielles qui nous montrent que Gwasa et ses collègues ou amis ont quitté ce parti. Et le fait que ceux qui figurent sur la liste de cette coalition ne seraient pas privés de leur liberté de se faire élire, le président de la CENI leur demande de saisir la Cour constitutionnelle pour constater si la CENI a mal interprété le code électoral ou pas. Et pour les députés, nous attendons la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous, au niveau de la CENI, nous allons nous incliner à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On l'attend, c'est jusque le 11, je pense. On a encore quelques jours. Et dans son analyse, l'enseignant d'université docteur en droit Alexis Manirakis a fait remarquer qu'un député a le droit de figurer sur la liste d'une coalition d'autres partis politiques que le sien, mais ne peut plus se réclamer de son parti d'origine. Cet enseignant trouve que les justifications de la CENI ne sont pas fondées en rejetant les dossiers de la coalition, d'autant plus que, par exemple, la commission s'est référée aux dispositions relatives à des causes de perte de la qualité de député et non celle de rejet de candidature. On fait le point avec Alain Désiré Boukayen. Cet enseignant d'université trouve qu'il est difficile de voir en quoi ces articles sont pertinents pour justifier le rejet des candidatures de la coalition. Professeur Alexis Manirakis explique que l'article 112 du Code électoral prévoit les causes de la perte de la qualité de député et non les causes de rejet de candidature. Et l'article 7 de la loi régissant les partis politiques, selon cet enseignant, traite de la liberté d'adhérer aux partis politiques et non des conditions d'éligibilité. À travers cette interview accordée au groupe de presse Iwachu, professeur Alexis Manirakis explique que rejeter les candidatures de la coalition au motif que la liste comprend les députés siégeant au nom du parti SNL n'est pas juridiquement justifiable. Ainsi, à son avis, la carte de membre d'un parti politique ne figure pas parmi les documents requis pour être candidat. Aussi, adhérer à un parti politique relève de la liberté politique. Il ajoute qu'on peut changer son appartenance à un parti politique, indiquant qu'aucune formalité particulière n'est exigé. Par conséquent, professeur Alexis Manirakis trouve que rien n'empêche à un député siégeant au nom du SNL de figurer sur la liste de la coalition d'autres partis politiques. Seulement, nuance cet enseignant à travers l'interview d'Iwachu, comme il est interdit d'adhérer à deux partis politiques en même temps, il ne peut pas continuer à se revendiquer du parti SNL. Cet enseignant d'université indique que le code électoral prévoit la possibilité de recours déroger de candidature devant la Cour constitutionnelle. Et au cas où cette dernière confirmerait la décision de la CENI, il y aurait des conséquences au niveau politique, puisque pour cet enseignant en droit, un grand nombre de Burundais se verraient privés du droit d'être représentés par des candidats de leur choix. Alain Désiré Boukayenez. Le parti CNDD-FDD avoue que ce qui perturbe les activités de développement et dont se plaint souvent le président de la République sont des militants de ce parti. Dans une conférence de presse ce vendredi en province de Makamba, le secrétaire général de ce parti a justifié la situation par le fait que ce sont eux qui sont majoritaires au gouvernement. Concernant la question de la lutte contre la corruption, Révérien Dikurio a indiqué qu'il s'agit d'un combat de chaque jour. Ce parti dit par ailleurs être prêt à céder le pouvoir si les électeurs le jugent indésirable dans les élections à venir. On fait le point avec Omer Ndouayo, envoyé spécial de la rédaction. Dans cette conférence, Révérien Dikurio, secrétaire général du parti CNDD-FDD, affirme que ce qui perturbe les initiatives du président de la République sont les membres du CNDD-FDD. Ceux qui le sabotent sont ceux à qui on confie les responsabilités mais qui ne les assurent pas convenablement. Nous les rappelons. Il dit que certains sont des Bagumyabanga. Oui, ce sont eux qui sont nombreux. La plupart de ceux qui sont fautifs sont des Bagumyabanga parce qu'ils sont nombreux. Selon le secrétaire général, la solution à la lutte contre la corruption n'a pas échappé au parti. Il y trouve néanmoins qu'il s'agit d'une question à traiter au jour le jour. On ne peut pas donner une durée déterminée pour lutter contre la corruption. C'est jusqu'à la fin du monde. La lutte contre la corruption n'a pas une durée déterminée. C'est quotidienne. C'est vrai, l'OBE a enregistré un manquant dans le service des taxes et impôts. Chaque personne qui doit payer les taxes et impôts doit honorer ses engagements. Sinon, on ferme tout. Personne n'est au-dessus de l'autre. Au point de savoir si le parti CNDD-FDD est prêt à céder le pouvoir une fois échoué dans les élections à venir, Révérien Dikurio affirme qu'il n'y aura pas de problème. Après les élections, le gagnant prend le pouvoir. Celui qui n'a pas gagné n'a qu'à accepter d'être gouverné. Mais je ne suis pas sûr si ça va se passer ainsi. C'est bien préparé. Si ça arrive, nous allons quitter. Au cours de cette même conférence, le secrétaire général du parti au pouvoir indique que l'ouverture des frontières terrestres entre le Burundi et le Rwanda a précédemment causé des morts chez les Burundais attaqués par les troupes armées qui ont infiltré le pays à travers ses frontières. D'où, précise-t-il, ces frontières restent jusqu'ici fermées pour protéger la population burundaise. Ainsi, il explique que le gouvernement burundais continue à demander le gouvernement rwandais à lui remettre les gens impliqués dans le coup d'État raté en 2015, aujourd'hui réfugié dans ce pays. Les négociations sont en cours, ajoute-t-il. Omer Ndouayo, depuis Makamba. Et la lutte contre la corruption est aujourd'hui un travail difficile dans le pays, d'après Léon Sungenda-Kumana, ancien président de l'Assemblée nationale et membre du parti Sawanya Frodebou. Il trouve que pour réussir ce pari, le chef de l'État devrait nommer un premier ministre qui n'est pas du parti au pouvoir pour bien suivre les affaires économiques du pays. Il le dit en réaction au message à la nation du numéro 1 burundais à la veille du nouvel an 2025. Évariste Ndayishimiye a réaffirmé son engagement à sévir contre ceux qui détournent les richesses du pays. Suivez Léonce Nguedakoumane. La déclaration en soi, le programme en soi, c'est une bonne déclaration, est un bon programme, mais difficile à mettre en exécution, difficile à réaliser. Souvenez-vous, le président Pierre Nkurunziza, à un certain moment, avait fait de ses pratiques de corruption, de détournement, de malversation, son cheval de bataille. Il avait même déclaré la tolérance zéro à ses pratiques. Et regardez ce que nous avons aujourd'hui. Le chef de l'État, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, il a fait son cheval de bataille cette question. Et maintenant, évaluons, regardons ce qui se passe. Lui-même, à certains moments, il était en commune Nyabihanga, il a déclaré officiellement que ce qui bloque le développement du pays, qu'il le connaît, mais qu'il sera très difficile pour lui de le limoger de ses fonctions, parce que s'ils sont limogés, il ferait certainement du mal au pays. Alors, avec cette déclaration, on comprend difficilement comment le chef de l'État va le faire s'il affirme qu'il ne peut pas limoger ces gens. Le chef de l'État a déjà déclaré que ceux qui devaient l'aider à lutter contre ces pratiques ne l'aident pas, ne l'appuie pas. Il a dit à plusieurs reprises, c'est vraiment un grand problème pour le chef de l'État. Des fois, il ne cesse de dire qu'il va le faire lui-même, mais le chef de l'État a beaucoup d'obligations. Pour réussir en tel défi, il faudrait que le chef de l'État prenne une grave décision. Une décision terrible, ça veut dire de nommer un premier ministre issu de l'opposition, qui n'est pas de son parti, avec comme mission lutter contre ces pratiques de corruption, de détournement et de malversation économique et financière. De confier à la mission chargée des questions économiques à l'Assemblée nationale à une personne de l'opposition. Comme ça, le Premier ministre et le président de la Commission des questions économiques à l'Assemblée nationale vont combiner les forces du gouvernement et de l'Assemblée pour appuyer le président dans son combat. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'équipe nationale des joueurs locaux a déclaré forfait dans le tournoi intitulé Mapinduzi Cup qui se déroule au Zanzibar depuis ce vendredi 3 janvier 2025. Youssouf Mossi, président de la commission chargée des compétitions à la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir que le manque de moyens financiers et l'invitation tardive sont certaines raisons qui justifient cette absence. Suivez-le. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'invitation est venue tardivement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le tournoi organisé par Zanzibar était vraiment très, très proche avec les éliminatoires du CHAN. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'équipe vient d'arriver à Bujumbura. C'était pour eux difficile de pouvoir continuer sur Zanzibar et livrer ce match. Et puis, autre chose, il y a aussi les moyens qui comptent. Parce que, vous savez, quand on participe à des compétitions du genre, on doit se payer les billets, tout. Donc, la fédération n'a pas tous les moyens suffisants pour participer à ce tournoi. Donc, c'est-à-dire, les compétitions sont très, très, très rapprochées. C'était bien de pouvoir participer parce qu'on allait bénéficier d'une expérience. Nos jeunes joueurs allaient jouer au moins 2-3 matchs. Mais à cause du manque de moyens, à cause de l'invitation tardive, Et les compétitions qui sont très très rapprochées. Donc le Burundi a décidé de déclarer forfait à ce tournoi. pourriez-vous l'appeler car le débit de ce tournoi C'est ici, tout proche. Donc c'était difficile de pouvoir s'organiser, participer à cette compétition. Radio Isanganiro, chronique environnement. Dans la précédente chronique, le représentant légal de l'association environnementale 3C, Conservation et Communauté de Changement, a expliqué l'importance économique et écologique des chimpanzés. Dans la chronique d'aujourd'hui, Leonidas Nzigiyima montre que les chimpanzés s'enfuient lorsqu'ils sont envahis par la population environnante et certaines espèces végétales disparaissent également. Il recommande à ces populations de planter des arbres dans leurs propriétés pour établir une coexistence harmonieuse. Lydie Gahimbare. Lorsque l'habitat des chimpanzés est détruit par l'homme, les chimpanzés sortent de la forêt et ils vont ravager les champs des cultures de la population. Cette dernière a tendance à se venger, d'où les conflits entre l'homme et la faune. Il y a aussi des cas de blessures et de morts, comme explique Leonidas Nzigiyima, représentant légal de l'association 3C. Il y a plusieurs conflits. Ça ne peut pas arriver. Il y a maintenant des conflits entre l'homme et la faune, entre les humains et les chimpanzés. C'est parce que, en fait, il y a concurrence. Il y a destruction de leurs habitats. Il y a concurrence sur le plan alimentaire. Quand les chimpanzés, pour le cas spécifique, ne trouvent pas suffisamment de nourriture dans leurs habitats naturels, ils sont obligés de sortir pour ravager les cultures des villageois. Et les villageois ont tendance à défendre leurs champs. Et les chimpanzés, du coup, chargent parce que se sentent eux aussi attaqués. D'où des cas de blessures graves et des cas de mort même, ce qui est déplorable. Une autre conséquence, selon toujours Leonidas Nzigiyima, lorsque les chimpanzés disparaissent, il y a également des espèces végétales qui disparaissent. Ça veut dire que quand il y a disparition des chimpanzés, il y a également disparition des espèces, de pas mal d'espèces, d'arbres, d'espèces végétales. Vous savez, et comme je l'ai dit, le chimpanzé fait partie du maillot de la chaîne écologique. Et donc, quand il y a disparition d'un maillot de la chaîne écologique, il y a déséquilibre. Et ce déséquilibre impacte directement les humains. Et étant donné que ces forêts-là ont disparu ou sont en train de disparaître et que les espèces animales se réduisent, disparaissent également, eh bien, ces virus-là, ces microbes migrent vers les humains. La population en général et celle environnante des protégés en particulier doivent préserver la forêt en plantant des arbres dans leurs propriétés afin de faire face au changement climatique aussi. C'est une obligation pour toute la nation burundaise de préserver les forêts naturelles et d'ailleurs d'étendre le réseau des forêts naturelles, le réseau des aires protégées, parce que c'est l'un des moyens de s'adapter face aux effets néfastes des changements climatiques. Donc, nous devons planter le plus d'arbres autour des forêts naturelles pour réduire la pression, parce qu'il ne faut pas que les communautés continuent à aller couper dans les espaces protégés, alors qu'elles peuvent planter ces arbres dans leurs parcelles privées. La population environnante des aires protégées doivent adopter un comportement harmonieux entre eux et les chimpanzés afin d'éviter les agressions. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.